Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Curieuse campagne que celle que nous vivons à une semaine du premier tour. Près de la moitié des électeurs sont encore indécis quant à leur bulletin de vote, mais il ne faut pas s'y tromper. Il semble que cela ne traduise pas un signe de désintérêt pour la campagne, puisqu'au contraire, on a noté une affluence record dans les meetings politiques, de même que pour l'audience des émissions de télévision. Il faut donc croire que les candidats n'ont pas encore réussi à convaincre complètement, que chacun d'eux ne rassure pas les Français quant à leur capacité de rassemblement. En tout cas, une chose semble acquise, c'est la relative faiblesse de la gauche dans cette campagne à son plus bas niveau dans les sondages depuis 30 ans selon le quotidien Libération. Et de fait, ce sont les thématiques de droite qui se sont imposées dans cette campagne. L'identité nationale, le drapeau tricolore de Ségolène Royal, souvenez-vous, la Marseillaise, la sécurité, bref. Au moment où la campagne entre dans sa dernière ligne droite, il y a peut-être un premier enseignement à tirer, c'est que la France aurait viré à droite, que le centre de gravité de la vie politique a basculé. Et peut-être aussi sa vie intellectuelle. Pour le vérifier avec nous ce soir, François Huguenin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, politologue et journaliste français. Vous avez travaillé sur le conservatisme politique en France depuis la Révolution. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous pour analyser ce phénomène. Auteur également du Conservatisme impossible à la table ronde. Et puis avec nous pour vous interroger, Nicolas Kazarian, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez donc le site orthodoxie.com. Vous êtes doctorant à l'Institut Saint-Serge. Et puis Jean-Luc Mouton, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Alors François Huguenin, pour commencer, peut-être une question d'actualité, votre regard globalement sur cette campagne qui en passe de s'achever là. Bah écoutez, je trouve que c'est une campagne qui change beaucoup et qui n'est plus du tout la même que celle que nous avions connue il y a quelques semaines ou quelques mois. Moi j'étais très frappé, il y a encore un mois et demi, d'être en face d'une campagne où j'avais l'impression que deux des grands candidats, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, avaient des discours assez marketés, choisissaient soigneusement certaines références, certaines propositions, certaines petites phrases qui leur permettaient d'aller chercher dans toutes les niches de leur électorat potentiel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, à la veille du premier tour, cette campagne change et se radicalise un peu. Et qu'on a véritablement... Le ton a changé, on sent que l'agressivité aussi est beaucoup plus présente. Le ton a changé, l'agressivité a changé, les petites phrases volontaires ou involontaires, on ne sait plus, parce que je pense que les hommes politiques et les femmes politiques sont fatigués en fin de campagne. C'est-à-dire tout le monde dit que la campagne est un peu longue. Jean-Luc Mouton. Oui, je crois que c'est très long pour eux, enfin tout le monde le dit. Mais est-ce qu'il ne faut pas l'attribuer aussi, cette agressivité, ce ton qui a changé, à la campagne officielle, qui fait que finalement il y a égalité de traitement, donc on ne parle plus du fond et qu'on en est réduit à des petites phrases? Je ne suis pas sûr parce que malgré tout, dans les émissions de radio, dans les meetings, il y a quand même une relative liberté pour les candidats d'aborder les sujets qu'ils ont envie de mettre en avant. Non, je crois qu'on a aujourd'hui dans cette campagne, depuis quelques jours très nettement, une sorte de poussée très forte de la gauche et de certains médias de gauche pour lepéniser Nicolas Sarkozy, et que lui, vraisemblablement, a décidé de ne pas changer de cap, de garder son cap à droite, de même peut-être le renforcer un peu. Cela préfigure-t-il, au cas où ces deux candidats seraient en lice au deuxième tour, ce qui n'est pas encore sûr, cela préfigurerait-il un véritable deuxième tour droite-gauche très marqué, où le candidat de droite irait chercher les voix non pas au centre mais à droite pour se faire élire, et la candidate de gauche à l'extrême gauche? C'est possible. Tout peut être totalement changé au lendemain du premier tour. On sait que les hommes politiques font ça. On pourrait se retrouver, après avoir évoqué des hypothèses, Bayrou par exemple, les plus farfelues, ou bon, on n'en sait rien, mais avec un classique affrontement droite-gauche, je dirais à l'ancienne. Ce serait possible, peut-être même souhaitable au sens où la France a véritablement besoin d'un débat, important sur l'avenir du pays. Et en tous les cas, moi ce qui me frappe beaucoup sur cette campagne, c'est que quoi qu'il en soit, ce sera la première fois depuis l'élection en 1974 de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République qu'un homme neuf, ou vraiment très jeune, sera, ou une femme, sera président de la République. Ça aussi, c'est le premier changement, c'est le renouvellement des générations. C'est fondamental, ça veut dire que pendant un an, après l'élection, il va se passer énormément de choses. Alors, Jean-Luc Mouton. Alors, est-ce que justement, vous dites les hommes neufs, est-ce que c'est une des explications à ce phénomène quand même incroyable, au bout de 3 mois, 6 mois, ça, il y a presque un an qu'on est en campagne, mais là, on est vraiment entré depuis début janvier, même s'il y a eu toute la campagne de Ségolène Royal dans le Parti Socialiste, enfin, il y a longtemps qu'on parle de ces questions-là, et on a encore combien, 47% de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont voter. Je veux dire, on est surinformés, il y a des débats pratiquement tous les jours à la télévision, les journaux en sont pleins, les journaux se vendent. Pourquoi il y a 47 ou 48% de gens qui sont encore, qui ne savent pas pourquoi ils vont voter? Pour qui ils vont voter? Alors, je n'ai pas sans doute la réponse parfaite à cela, mais pour moi je mettrais deux explications. La première explication, sans doute, c'est que, et je suis pas le seul à avoir fait cette remarque-là, il y a quelques semaines un éditorial de Jean-Marie Colombani dans le journal Le Monde qui l'exprimait très bien, c'est quand même deux des trois grands candidats, je mets Le Pen à part, deux des trois grands candidats souffrent d'un déficit d'image assez fort, en gros, qu'on pourrait appeler un déficit de gouvernabilité. C'est-à-dire que... On ne sait pas ce qu'ils vont donner, quoi. Voilà, je pense quand même que beaucoup de gens qui pourraient, du point de vue des idées, facilement voter pour Ségolène Royal, se posent des questions sur sa capacité à assumer la charge présidentielle, que pour beaucoup de gens qui sont tentés de voter pour François Bayrou parce qu'ils ne veulent ni de Sarkozy, ni de Royal, se demande avec qui il va gouverner et quelle politique va faire un président centriste, qui est quand même quelque chose d'absolument inconnu dans la Ve République. Donc ça peut nourrir de l'indécision. Et puis il peut aussi y avoir des gens qui ont peur de Nicolas Sarkozy et qui seraient tentés de voter pour lui, mais qui quand même se disent, oulala, est-ce que, notamment avec la pression médiatique actuelle, il peut y avoir cette tendance à se dire, mais est-ce que je peux véritablement voter pour quelqu'un qui serait peut-être une sorte de Le Pen plus propre? Alors il y a cette première explication. Il y en a une autre qui me paraît plus profonde et hélas plus inquiétante, c'est que il me semble quand même, ça, je reviens à ce que je disais au départ et notamment au début de cette campagne, il me semble quand même que beaucoup des propositions, des discours des principaux candidats sont extrêmement tactiques, sont d'un ordre qui est celui, hélas, d'une politique politicienne qui cherche à ratisser des voix dans toutes les niches potentielles de l'électorat. Il y a vraiment un marketing politique, qui s'est beaucoup professionnalisé. On n'est vraiment pas du tout dans les grands débats Giscard Mitterrand que nous avons connus en 1974 et en 1981. On est dans une campagne à l'américaine. On est beaucoup plus dans une campagne à l'américaine, une campagne où on a des objectifs, des cibles très bien définies, et on sait avec quel discours on peut avoir un électorat pour soi, ou quel discours, en revanche, risquerait de se l'éloigner. Et ça, je crois que les Français le sentent. Alors, il y a une autre question qui est peut-être une question un peu fondamentale, c'est que on sait qu'on est devant des défis très importants, pour les citer, l'environnement, l'histoire de la dette, les retraites, les réformes à faire dans ce pays. Tout le monde voit bien qu'il y a des réformes importantes à faire. Je pense que l'opinion est plus prête que ce que pensent les politiques. On a l'impression qu'il y a des grands défis devant nous, et là, on a l'impression que c'était une course de chevaux. Enfin, c'est une bataille, comme vous disiez, de marketing. Est-ce qu'on ne se trompe pas sur la méthode, parce qu'il y a des choses à faire en France, et là, cette désignation du président de la République, ça s'apparente plus à un jeu, vous disiez du marketing, plutôt qu'à quelque chose qui va traiter les problèmes de fond et qui va nous permettre de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Oui, je en pense... En termes, est-ce que l'élection présidentielle est une bonne affaire pour le pays? Voilà, je pense que vous avez raison sur le fait qu'un certain nombre de grands débats ne sont pas posés, ou très mal posés, ou très peu posés, ou posés de manière équivoque. Mm-hmm. On pourra y revenir, mais je pense qu'effectivement, la question de l'Europe et de la nation est très mal posée, alors qu'elle est quand même fondamentale. Que la question du partage des richesses dans le monde, qui est un véritable problème fondamental des décennies à venir, n'est vraiment, pour le coup, totalement pas posé et totalement oublié. Mais malgré tout, quand on regarde les sondages d'opinion, non pas de vote, mais plutôt d'enquête d'intérêt des Français, je voyais récemment le sondage Ipsos du Point, est quand même très intéressant. La priorité des Français à 46%, je crois qu'ils doivent donner trois priorités dans ce sondage, cette enquête. C'est le chômage, 46%. Et en deuxième arrive la préservation du système de santé et du système de protection sociale, ce qui n'est pas inintéressant, mais bon, avec 28%. Donc très vite, on voit très bien qu'il y a quand même une énorme préoccupation, une immense peur, et là on pourra certainement parler et reparler de cette histoire de peur qui focalise complètement l'attention des Français. Or, me semble-t-il, les Français ont un doute sur le fait que et Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal arriveront véritablement à enrayer cette question du chômage. S'ils étaient certains que M. Sarkozy ou Mme Royal allaient vraiment permettre à l'économie française de sortir de ses difficultés, je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'indécis. Nicolas Kazarian. Oui, François Huguenin, vous parlez donc de cette peur et j'aimerais rebondir sur ce sujet. Cette peur est d'abord évoquée autour de sujets comme l'autorité, comme la police, autour de l'école. On a entendu Ségolène Royal parler d'un encadrement militaire des délinquants. Est-ce que vous ne croyez pas que ce sujet de la peur n'a pas fait de Jean-Marie Le Pen le gagnant potentiel des réflexions qui tournent autour de l'élection présidentielle? C'est la fameuse lepenisation des esprits, hein. c'est un peu le... Alors, je trouve que c'est une question qui est fondamentale, mais je trouve qu'elle est compliquée, et que la réponse à donner est compliquée. Bien sûr, il y a une ultra-présence de Jean-Marie Le Pen dans ces débats, y compris quand il ne dit rien. Et son silence même, parfois, est encore plus pesant que ses paroles, parce que quand il sort une petite ou une grosse bêtise, comme quand il a sorti, par exemple, que M. Sarkozy était le candidat de l'immigration, alors que lui était celui du terroir. Bon, on se dit, ça y est, on le retrouve. On préfère, finalement, qu'il exprime certaines choses, plutôt que cette espèce de silence, parfois, inquiétant. Oui, alors, de ce point de vue-là, c'est vrai, Le Pen peut-être occupe le terrain d'une certaine manière. En même temps, je ne crois pas qu'il y ait dans le vote des Français qu'il y aura une progression du Front National par rapport à il y a 5 ans. Ce serait quand même difficile. Je ne crois pas non plus que c'est parce que certaines thématiques sont utilisées par Jean-Marie Le Pen, le fait que les Français se posent des questions et des angoisses via ces thématiques veut dire qu'il y a une lepenisation des esprits. Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, s'inquiéter pour la sécurité, peut-être tout à fait normal, surtout ça dépend de l'endroit où on habite, hein. Évidemment, quand on habite dans le 16e, c'est un peu moins, on a moins de problèmes réels de sécurité que quand on habite dans certaines banlieues de Paris. Il faut pas se leurrer, c'est évident. Donc, mais certaines personnes peuvent se poser ces questions-là et se les poser légitimement sans avoir du tout envie d'y apporter des réponses de Le Pen. Donc, je ne suis, voyez, c'est ambigu, c'est ambivalent tout ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des peurs en France et que la France est vraisemblablement par rapport aux autres pays, aux autres grands pays européens, celui où on sent le plus des angoisses, des incapacités à avancer. Il y a une question très simple. En France aujourd'hui, perdre son emploi est un drame. Pourquoi? Parce que retrouver un emploi en France est extrêmement compliqué. Dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, quand vous perdez votre emploi, ça n'a pas le même impact psychologique, personnel, familial, parce qu'il faut pas oublier quand dans les familles, ce sont des moments très difficiles quand un père de famille ou une mère de famille perd son emploi. Eh bien, ça n'a pas eu le même impact parce que les gens savent que bon, au bout de 3 mois, 6 mois, ils retrouvent quelque chose. Donc, vous voyez, la peur française, elle est faite de beaucoup de choses et aussi de beaucoup de blocages qui ne sont pas uniquement de la lepenisation des esprits. Mais alors, François Huguenin, il y a quand même, pour se rapprocher du thème central de cette émission, est-ce que la France vire à droite? Il y a quand même quelque chose de symptomatique dans cette campagne, c'est que les licenciements chez Airbus, par exemple, ou même dernièrement les faramineuses indemnités de départ de Noël Forjard, l'ancien patron de ADS, 6 millions d'euros, toutes ces questions-là ne sont pas parvenues à s'imprimer durablement dans la campagne. Ça veut bien dire que les thèmes qui sont l'identité nationale ou la Marseillaise ont été beaucoup plus forts dans cette campagne. Je pense qu'un thème, par exemple la question de l'indemnité de Forjard, je crois hélas que beaucoup de gens, beaucoup de salariés doivent se dire de toute façon on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a une résignation, il y a une sorte de résignation, fatalisme. Je pense. En même temps, je crois que les gens n'oublient pas et que effectivement ce genre d'exemple est absolument catastrophique parce que évidemment ça peut nourrir un discours d'hostilité à l'entreprise, au profit, que d'ailleurs Ségolène Royal est en train de radicaliser depuis quelques jours. Mmh. Parce qu'elle a très bien compris qu'il fallait qu'elle fasse vraiment maintenant une campagne de gauche par rapport à Sarkozy qui fait de plus en plus une campagne de droite. Mais à gauche, est-ce que même à gauche ça prend? Mais Ça prend, je pense, dans le discours un peu facile, dans le discours un peu facile qui va être le discours de suspicion par rapport à l'entreprise. Or, la France n'a pas besoin d'un discours de suspicion par rapport à l'entreprise. Elle a besoin de règles morales, éthiques extrêmement claires, qui font que ce qui est l'indemnité de Monsieur Forgeart devrait être interdite par des lois en France. Surtout dans une entreprise qui voit qui a des difficultés financières. Surtout dans une entreprise qui a des difficultés financières. Bon, je crois que là, c'est évident, mais bien entendu, tant que ce genre de lois ne seront pas prises, tant que ce genre de mesures ne seront pas imposées par un gouvernement courageux, eh bien évidemment, il peut y avoir ensuite une confusion. Et la confusion, elle est très simple, c'est qu'on mélange l'attitude de Monsieur Forgeart avec celle des cadres d'entreprises, des créateurs d'entreprises, des chefs d'entreprises dont certains ne sont absolument pas comme ça. François Hidnin, on se retrouve dans un instant. Nous serons notamment en ligne avec Marcel Manuel, qui est président du Conseil national de l'Église réformée de France. Radio Notre-Dame. Beaucoup plus loin qu'on pense. C'est à Saigon que j'ai eu mon enfance. Et ma mère là-bas me disait doucement le mot France, France. Le temps s'est enfui et je le sais depuis. Il suffit d'être loin ou seulement d'être seul pour avoir le cœur serré quand on entend le mot France, France. Elle était institutrice et au lycée. On a rencontré ces mots dans nos dictées. Écrivez maison, justice et liberté, espérance, le mot France. Il y avait aussi plus tard, je l'ai et révolution, et passion, et violence, et misère, et flamme, et guerre, et drame, et France. C'était les rivières et les montagnes bleues, c'était les clairières et les enfants heureux, les châteaux, les blés, les champs, les roses, tant de choses en France. Le temps s'est enfui, mais je le sais depuis. Il suffit d'être loin ou seulement d'être seul pour avoir le cœur serré quand on entend le mot France, France. Richard Cochiante, le mot France, de retour dans Élections Providentielles avec François Huguenin, historien, politologue et journaliste français, auteur du Conservatisme Impossible, à la table ronde. La question qui est posée au cours de cette émission, justement, est-ce que la France est en train de glisser vers la droite ou vers le conservatisme? On verra peut-être la différence avec vous, François Huguenin. Dans un instant, nous verrons aussi ce qu'en pensent les religions, avec notamment Marcel Manuel, qui sera avec nous par téléphone, président du Conseil National de l'Église Réformée de France. Alors, En vue de cette émission, François Huguenin, j'ai repéré quelques unes d'hebdomadaires ou de quotidiens français parus pendant cette campagne. C'est le Nouvel Obs, par exemple, qui, il y a quelques semaines, publiait « Les intellos virent-ils à droite ?» C'est cette semaine dans Valeurs Actuelles, la tribune de Chantal Delsol, « Feu l'intellectuel de gauche » ou encore dans Libération, « La France à droite toute ?» point d'interrogation. Alors, le conservatisme impossible, finalement, est-ce que l'actualité n'est pas en train de démentir un petit peu ce que vous écriviez dans votre livre ? Écoutez, je ne crois pas, mais il faut revenir peut-être sur ce mot de conservatisme. Oui. Le conservatisme, c'est quelque chose qui est spécialement difficile à définir en France, parce que justement en France, ça n'existe pas et ça n'a jamais vraiment existé. Personne ne s'en réclame, vous voulez dire. Personne ne s'en réclame, et au fond, il n'y a jamais eu véritablement de grand courant intellectuel conservateur, puisqu'il y a eu traditionnellement deux droites. Très différentes. Tout cela naît de la Révolution. Il faut bien voir que la droite naît d'une hostilité à la Révolution, ou en tout cas d'une hostilité à ses manifestations les plus jusqu'au boutistes. Et avec la volonté soit de revenir en arrière, c'est la droite réactionnaire, soit de s'arrêter là et de redonner un petit peu d'ordre et de liberté à la France qui, sous la Révolution, on a quand même beaucoup manqué. Et ça, c'est plutôt le libéralisme politique. Bon, et ces deux traditions n'ont jamais réussi véritablement. Vous dites, c'est Tocqueville d'un côté. Tocqueville, Benjamin Constant d'un côté, et de l'autre côté, Joseph de Metz, Louis de Bonald et ensuite Maurras. Avec des paradoxes d'ailleurs, c'est que la droite réactionnaire est pour une certaine part liée à la pensée politique traditionnelle, mais pour d'une autre part extrêmement moderne dans certaines de ces thématiques, notamment l'absolutisation de la nation, de la souveraineté. Ça sont des choses très modernes. Et que la droite libérale, qui ne remet pas en cause les grandes conquêtes de 1789, en revanche, a plutôt l'habitude de travailler sur des catégories un peu mouvantes, sur des choses moins idéologiques et qui rappellent plus une certaine pensée. Médiéval. Et donc aujourd'hui, on en est toujours là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi, je ne crois pas véritablement que les intellectuels sont massivement redevenus à droite ou devenus conservateurs. C'est la thèse, par exemple, de Didier Héribon aujourd'hui, qui a sorti un livre chez Léo Cher montrant que la France et la gauche sont devenus massivement réactionnaires. Mais il est vrai que pour lui, les réactionnaires, ce sont Marcel Gauchet et François Furet. Ça commence à dépendre, évidemment, ça commence très loin. Alors, certes, il est vrai que un certain nombre de penseurs comme Alain Finkielkraut, comme Marcel Gauchet, François Furet avant sa mort, ont contribué, je dirais, à mettre un petit peu de raison, me semble-t-il, dans des illusions progressistes qui étaient un petit peu les grandes illusions des intellectuels de gauche dans les années 50, 60, 70. Mais cela ne fait pas d'eux des conservateurs. Mais d'abord, ça ne fait pas d'eux assurément des conservateurs. Enfin, ils ne se définissent pas comme tels. Et il y a deux choses. Ils ne se définissent pas comme tels et ils ne donnent pas non plus de manière extrêmement claire leur soutien, par exemple, à un candidat de droite comme Nicolas Sarkozy. Glucksmann l'a fait. Il s'est fait critiquer. Mais quelqu'un comme Finkielkraut reste très prudent. Reste très prudent. BHL, ami de Sarkozy, penche pour Ségolène Royal. Donc on voit bien quand même que les intellectuels en France, de toute façon, ont du mal à s'autoproclamer, à s'étiqueter conservateur ou à soutenir vraiment officiellement un candidat de droite. Ça reste un tabou infamant. Je crois que ça reste un tabou parce que en France, l'histoire française est comme ça et c'est pas du tout l'histoire anglaise. L'histoire anglaise, eh bien, il y a deux grandes tendances, les conservateurs, les travaillistes. Et quand vous êtes intellectuel, vous pouvez être conservateur, vous pouvez être travailliste. Ça ne choque absolument personne. En France, le fait même de l'histoire même de la France et notamment la dynamique révolutionnaire fait qu'il y a quand même eu un camp des bons et un camp des mauvais, un camp du bien, un camp du mal, un camp du progrès et un camp de la réaction. Et malgré tout, dès que vous êtes un peu à droite, vous êtes dans le camp de la réaction. Et là, je crois que ça n'est pas fini, ça continue. Mais c'est en train de bouger alors quand même. Alors c'est en train de bouger, je pense, sur le fond, c'est-à-dire qu'effectivement les livres de Finkielkraut, les livres de Marcel Gauchet sont effectivement des livres qui permettent au grand public cultivé d'avoir peut-être un son de cloche un peu différent que lorsque Sartre faisait la pluie et le beau temps dans l'intelligentsia française. Mais en revanche, sur le grand public, sur la majorité des électeurs, je ne suis pas sûr que la pensée de Finkielkraut ou celle de Marcel Gauchet ait vraiment beaucoup d'importance. Et là, il y a véritablement une question d'intermédiaire. Il n'y a pas véritablement d'intermédiaire aujourd'hui entre des penseurs et des hommes politiques. On a un problème de médiation en France, c'est assez classique en France d'ailleurs. On a un problème de médiation, soit les pensées sont des idéologies et elles peuvent être plaquées sur des appareils politiques, et le marxisme a été très bon pour ça, parce que c'est une idéologie assez facilement formatable dans un univers qui est celui d'un appareil politique, soit les pensées ne sont pas des idéologies, sont plus complexes, et là, les médiations manquent totalement pour faire le pont avec les hommes politiques. On ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy soit spécialement baigné d'un milieu intellectuel. Mais d'un autre côté, François Huguenin, est-ce qu'on ne peut pas dire non plus que depuis la chute du mur de Berlin, la gauche intellectuelle est orpheline, comme c'est ce que dit un petit peu Chantal Delsol hein, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles de cette semaine, et que finalement, une politique qui perd ses fondements perdra bientôt ses électeurs. Est-ce que ce n'est pas là aussi la faiblesse de la gauche aujourd'hui? Alors, la gauche politique me semble tout à fait orpheline, et la pensée de gauche est tout à fait dégradée, beaucoup moins puissante, beaucoup moins riche qu'elle ne pouvait l'être autrefois. C'est évident. Il y a un discours de gauche qui n'est pas à la hauteur. Qui ne s'est pas renouvelé, Qui ne s'est pas renouvelé, qui n'est pas à la hauteur de certaines aspirations intellectuelles. Et quand il se renouvelle vraiment à l'extrême gauche. Je citais Didier Ribon tout à l'heure. Mais pas dans la gauche un peu plus classique. À droite, me semble-t-il aussi, hélas, la pensée réactionnaire s'est totalement, totalement délitée depuis 50 ans, et aujourd'hui, elle subsiste. On la retrouve aujourd'hui, cette... Il ne faut pas lui faire injure, la grande pensée réactionnaire ne se retrouve pratiquement nulle part. Mais la pensée réactionnaire catéchisée et mal digérée se retrouve en partie dans le lepénisme, mais en partie seulement, parce qu'il n'y a pas que cette influence-là chez Le Pen. C'est très compliqué, il y a un populisme qui ne sort de rien, je trouve. Et quant à la pensée libérale, eh bien, la grande pensée libérale, aujourd'hui, n'existe pratiquement plus. Depuis Aron, elle n'existe pratiquement plus. Il n'y a plus que quelques intellectuels comme Pierre Manant qui la font vivre, mais ils ne sont malheureusement pas très écoutés. Et le libéralisme qui demeure est un libéralisme économique. Et aujourd'hui, être libéral, c'est savoir comment on va payer moins d'impôts. Ce qui est quand même, malheureusement, très réducteur. Jean-Luc Mouton. Alors, il y a un autre point qu'on a vu apparaître dans le sondage qu'on a fait une réforme sur les protestants. On va en parler avec Massa Manuel dans quelques instants. Mais qui touche à l'évolution des mœurs. Donc pour retracer questions... quand même pour les auditeurs qui n'auraient pas lu réforme, il y en a malheureusement. oui. Donc, ce sondage qui note aussi un virage chez les Tout protestants vers la droite. Voilà, c'est un sondage qui a été fait donc il y a quelques semaines. Et on a puisé avec l'IFOP des milliers de personnes pour trouver des protestants. En France, on a quand même, il y a 2,5% de protestants. On a trouvé quand même une proportion importante, qui est significative, et on voit qu'il y a une évolution très nette, que les protestants qui étaient globalement socialistes, radicaux-socialistes, traditionnellement, ils sont plutôt centre-gauche, ou à gauche, parfois. Vous savez qu'on a des associations qui sont très marquées, qui sont très engagées sur des questions, par exemple, comme l'immigration, comme la CIMAD. Et donc, c'est un peu la tradition. Les protestants ont inventé le planning familial, ont été à l'origine, en tout cas, sont battus pour l'évolution des mœurs en question d'avortement. Bon. Et aujourd'hui, on voit ces mêmes protestants d'abord voter plus nettement à droite et être beaucoup plus circonspect sur l'évolution des mœurs, notamment sur les questions de l'homosexualité. Bon. Donc là, est-ce que c'est ça aussi une évolution vers la droite? Est-ce qu'on peut considérer que une espèce de coup de frein ou de questionnement, disons, bon, on a bien évolué, on a suivi le mouvement social, aujourd'hui on fait une pause, est-ce que ça peut être considéré comme mouvement vers la droite? Est-ce que c'est de la droite ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? Alors, moi, je ne pense pas que ça peut être vraiment considéré comme un mouvement vers la droite, parce que, au demeurant, le Pax, qui était quelque chose que la majorité des Français, il y a 10 ans, rejetait, en tout cas, n'avait même pas idée, est passé comme une lettre à la poste. Et demain, sans être grand clair, je pense que, quel que soit le président de la République, nous aurons en France une évolution vers un statut d'homoparentalité ou de couple homosexuel. Alors ça dépendra du candidat élu, sans doute. Puis il y a des différences assez nettes quand même entre les candidats. Mais malgré tout, je pense que l'évolution de la France va aller vers la continuation de cette libéralisation des mœurs. Et que là aussi, je crois qu'il y a une résignation des Français. Parce que je crois qu'au fond, les Français ne sont pas véritablement favorables à ça. Mais qu'il y a une sorte, là pour le coup, je crois qu'il y a une très très forte idéologisation de la question sous sous un prisme très très clair, c'est-à-dire c'est que l'unique critère pour juger de cela, c'est celui de la liberté, et encore de la liberté conçue comme la volonté de faire ce qu'on veut. Et c'est effectivement ça, je pense, quelque chose qui est très fort aujourd'hui dans les mentalités. Les Français sont habitués maintenant à ça. Et au fond, au nom de cette liberté de puissance, ce qui est indépassable, les Français veulent bien admettre que le modèle social évolue vers quelque chose qui n'est pas le modèle que eux souhaitent, par exemple, vivre au quotidien ou souhaitent pour leurs enfants. Je trouve que c'est d'ailleurs assez inquiétant. Ça veut dire qu'il y a une certaine recomposition des clivages politiques qui ne sont plus forcément ceux de la droite et de la gauche, mais que ce sont sur des questions plus culturelles ou même morales, civilisationnelles, que les clivages, que la vie politique se recompose. Je crois effectivement que, par exemple, sur le plan... Un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis d'ailleurs. Oui, je crois que sur le plan de l'économie, par exemple, la faible inventivité, et ce n'est pas qu'une critique, parce que je n'ai pas moi-même des solutions miracles, mais la faible inventivité de nos hommes politiques fait que, franchement, si on regarde les choses sérieusement, entre un discours politique de droite et un discours politique de gauche, les différences ne sont pas énormes. Et les politiques menées, qui sont encore plus ressemblantes que les discours électoralistes, sont quasiment les mêmes. Donc, effectivement, la différence se fait sur d'autres choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on a véritablement cette question-là. C'est que comme la société, on n'arrive pas à faire bouger les choses sur le plan de l'économie, sur le plan de grandes questions politiques fondamentales comme l'Europe, comme la nation, on n'arrive pas à faire vraiment bouger les choses en France. Eh bien, le seul endroit où on arrive à faire bouger les choses, ce sont les questions de mœurs. Et alors, sur les questions de mœurs, finalement, il y a véritablement une prime à celui qui va aller le plus loin dans l'expression... Quitte à user de démagogie. Quitte à user de démagogie, ou surtout à poser comme un impératif catégorique, si vous voulez, toute revendication au nom de la liberté. Donc, je me demande si, dans 10 ans, nous n'aurons pas, dans une prochaine campagne électorale, des candidats qui... réclameront un droit institutionnel inscrit dans la Constitution à la zoophilie, puisque finalement, au nom mais de la liberté... C'est ce qui se passe déjà aux Pays-Bas, notamment, où on a vu un parti prenant C'est pour ça que je souriais, mais d'une certaine manière, où cela va-t-il s'arrêter? Alors, on ne fait pas dire... Mais c'est la question qu'on pose des chrétiens, quand même, là. C'est la question que posent les chrétiens. Je pense que les chrétiens ne sont pas... Enfin, vraisemblablement, dans ce sondage sur le protestantisme, et vous êtes beaucoup mieux connaisseur que moi, il y a une distinction, une divergence entre la base, entre guillemets, et... Alors justement, et les Jean-Luc Bouton, on va demander son avis à Marcel Manuel, qui est avec nous au téléphone. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Conseil national de l'Église réformée de France. Alors, cette question, justement, est-ce qu'il y a une divergence entre la base et puis peut-être... Les hauts responsables du protestantisme en France, sur ces questions-là, justement. Je ne vois pas sur quoi ces choses-là seraient basées, parce qu'au fond, la base n'est pas différente des responsables. Nous avons une façon de travailler qui travaille par assemblée, par conseil, par consultation. Et donc, c'est quand même la base qui s'exprime lorsque nos églises s'expriment sur un certain nombre de sujets. Quand on dit virage du protestantisme français vers la droite, vous approuvez? Je ne sais pas, parce que je suis très mal à l'aise d'abord quand on dit le protestantisme. Je crois qu'aujourd'hui, s'il faut dire les protestantismes, c'est une grande diversité, et la résultante de tout cela donne l'image que le sondage a mesurée, mais qui est sans doute une résultante assez artificielle, avec des parcours extrêmement variés. On parle par exemple du protestantisme évangélique avec en particulier l'importance des communautés de personnes issues de l'immigration, où on va trouver à la fois un discours extrêmement intégrateur avec des valeurs fortes sur le travail, la famille, etc. Et en même temps un très grand rejet profond de tout ce qui est la politique sécuritaire par exemple. Donc il y a des complexités qui sont difficiles à résumer en une seule formule, je crois. Mais le sondage montre à peu près ça. Quand on a posé des questions sur les en matière de valeurs, on voit très clairement des choses. Par exemple, sur la question, est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France? Les protestants disent sont plus positifs que la moyenne des Français. Ils disent non, il n'y a pas trop d'immigrés en France. Par contre, quand on leur pose la question, est-ce que l'homosexualité est une manière normale, acceptable? Peut-être la formulation est à discuter. Hein, est-ce que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité? Ils répondent très différemment l'ensemble des Français. Il y a 14 point de différence. Donc il y a quand même on voit qu'il y a des axes de préoccupation des milieux chrétiens et des milieux protestants. Oui, parce qu'en cela, ils se rapprochent aussi des catholiques. Hein. Et ils se rapprochent des catholiques. Une différence, une très grande différence, c'est peut-être excessif. Ah ben c'est le chiffre le plus important en tout cas. Il y a une différence et je crois qu'elle était tout à fait exprimée dans les explications qui étaient données tout à l'heure, dans lesquelles je me reconnais assez bien. Au fond, le protestantisme s'est trouvé très longtemps en phase avec la modernité. Les idées de démocratie, de solidarité, de liberté personnelle, etc., retentissaient très très positivement dans le protestantisme classique en tout cas. Et aujourd'hui, ce même protestantisme s'interroge quand il voit ces mêmes idées, au fond, valider ce que, comme on le disait tout à l'heure, au fond, le choix individualiste au sens le plus personnel du terme. Je fais ce que je veux, ce que j'ai envie. Et là, effectivement, le protestantisme est très, très, très mal à l'aise. Par exemple, le protestantisme, on l'a rappelé, a soutenu une forte proportion de protestantisme, les lois pour légaliser l'avortement. Oui. Au nom, au fond, du droit de personnes qui étaient plus ou moins victimes. Victimes soit d'agressions, victimes dans leur vie, etc. Les mêmes protestants, je crois, aujourd'hui, sont très mal à l'aise quand ils voient l'avortement justifié par un simple confort. Je fais ce que je veux, j'ai droit de vie et de, ou de mort sur l'embryon qui est en moi, ou etc. Vous voyez, le changement de situation, d'attitude, peut-être l'hésitation par rapport, effectivement, à cette tournure de société. À la fois, je crois, les protestants ne veulent pas se poser dans le registre de la condamnation, mais à la fois, au fond, ils se sentent très, je crois, mal à l'aise par rapport, effectivement, à cet individualisme massif. Marcel Manuel, on marque un court intermède musical et on se retrouve tout de suite après. Radio Notre-Dame. La mer et les oiseaux envolés du sommeil. La pierre du seuil usée par le pas des saisons, rose d'écume et fruits vermeils, le vent rêvant sur ma maison, le feu qui veille, l'or des poissons, le soleil, les moissons. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, au creux des mains. Combat d'hier, combat toujours recommencé. Premier cri de la vie, graine de l'avenir. Un pas de plus vers la beauté. Rêves réels qui vont fleurir, l'espoir gagné, savoir s'unir, la bonté rebâtir, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Le goût de vivre enfin, sans mesure, sans frontières, les raisons de l'amour, les raisons de la vie, deux bras comme un grand livre ouvert, une chanson contre l'oubli, juste colère. Mystère conquis, la lumière, l'infini, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, t'appartient. Jean Ferrat, tout ce que j'aime. De retour dans cette émission, nous parlons du conservatisme. Est-ce que la France vire, tourne au conservatisme? Et nous étions à l'instant avec Marcel Manuel, qui est le président du Conseil national de l'Église réformée de France, toujours également en compagnie de François Huguenin, l'auteur du conservatisme impossible à la table ronde. Alors, sur cette question, Jean-Luc Mouton, la question qui se pose, effectivement, c'est jusqu'où on peut aller dans ce libéralisme, finalement, qui est un petit peu dénoncé dans ce sondage que vous avez publié. Au niveau des mœurs, en tout cas. Oui, Marcel Manuel, Jean-Paul Willem, dans l'article qui nous a consacré à commenter ce sondage dans Réforme, se pose des questions sur, enfin, son réflexion, c'est autour de cette question, c'est que les protestants jusqu'à aujourd'hui, je dirais beaucoup de chrétiens, ont accompagné les évolutions de la société, ont accompagné le mouvement social, qui tendait plus, et aujourd'hui, ils se rendent compte que cet accompagnement pose question, et Jean-Paul Willem dit que ce mouvement a conduit à relativiser l'institution familiale, ainsi que la valeur travail. Et aujourd'hui, il se demande si il faut continuer à suivre cette évolution et s'il ne faut pas, en tant que chrétien, plutôt marquer des résistances en disant que là, il y a une menace peut-être sur le genre humain ou sur ce qu'est le fond de notre message. Est-ce que vous ressentez ça comme ça ou est-ce que vous ne suivez pas ce raisonnement ? Je crois qu'il y a plusieurs attitudes, au fond, qui résultent de cette hésitation qui, je crois, est vraie. D'une part, il y a effectivement la tentation du retrait, en disant au fond, nous ne voulons pas participer à cette société-là, nous voulons reconstruire autre chose, c'est celle qui se retrouve dans les courants protestants fondamentalistes ou évangéliques, comme on dit très très rapidement. Il y a la tentation de la privatisation aussi, qui est théologiquement forte, en disant au fond, ce qu'on fait de notre éthique personnelle, familiale, ça ne regarde que nous. Ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas la loi, ça ne regarde pas l'Église, c'est mon choix, et personne n'a rien à dire là-dessus. L'Église en particulier n'a pas à se prononcer là-dessus. Et puis il y a, je pense, toute une partie quand même du protestantisme qui ne veut pas abandonner le dialogue avec cette évolution de la société, et qui se dit, sans se situer dans la condamnation, est-ce qu'il n'y a pas à poser à nouveau un certain nombre de repères fondamentaux pour aider les gens à construire leur vie ? C'est une société quand même très exigeante, cette société du libéralisme ultra, c'est-à-dire que chacun doit vraiment se construire, et si on n'arrive pas à se construire, on est un moins que rien, un paumé, un zéro, un vite exclu, ou juste un consommateur ou un travailleur anonyme. Et au fond, est-ce que nos églises, c'est la question qu'on se pose, n'ont pas à poser un certain nombre de principes de fond? Dire que, par exemple, puisqu'on parle de sexualité, un homme et une femme, c'est pas la même chose, qu'un parent et un enfant, c'est pas la même chose, que la transmission de génération, ça mérite qu'on y réfléchisse sérieusement, enfin, toute une série de points fondamentaux sur laquelle, je crois, notre société devrait débattre. Alors, je vais me tourner justement vers François Huguenin, puisque sur ces questions-là, catholiques et protestants, quand même, on sent qu'il y a un rapprochement possible. Est-ce que finalement, à travers ces questions-là, ce n'est pas aussi la question du bien commun de la société, et que les chrétiens seraient ensemble, peut-être, les derniers défenseurs de ce qui constitue le fondement même de notre société ? Écoutez, moi je crois beaucoup. D'abord, je suis très très intéressé par ce que vient de dire Marcel Manuel, parce que je trouve des échos extrêmement extrêmement forts avec ce qui se passe dans le catholicisme et à la fois dans la complexité de la situation. Puisque on a des catholiques qui, pour beaucoup, peuvent être sur des positions qu'on pourrait étiqueter conservatrices sur la famille, sur les mœurs, sur le sentiment national, et puis qui, en revanche, sur l'accueil de l'autre, sur la question des richesses dans le monde, on aurait des positions beaucoup plus progressistes. Donc je crois qu'effectivement, les chrétiens, finalement, sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit dans leurs options politiques. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, la voie du christianisme est une voie politiquement extrêmement importante. Parce que je prêche pour ma paroisse et je parle du catholicisme que je connais mieux. Mais par rapport à cette question de la liberté qui devient la seule norme, et donc nous vivons dans un monde de totale absence de normes. Benoît XVI et autrefois le cardinal Ratzinger a vraiment analysé les choses à la suite de Jean-Paul II de façon extrêmement constructive, extrêmement claire. Il est bien évident que la liberté sans normes, et que la liberté confondue avec la volonté de chacun, sachant que la volonté de chacun peut être totalement irrationnelle, voire extrêmement dangereuse pour la collectivité ou pour son prochain, c'est évidemment pas possible. Donc, c'est la question du relativisme, hein. C'est je fais ce que je veux, c'est mon choix, c'est ce que disait Marcel Manuel tout à l'heure. Absolument, et là je pense que les chrétiens ont quelque chose à dire, et moi je regrette beaucoup, je ne sais pas, je pense que Marcel Manuel pensera la même chose que moi, mais je regrette beaucoup que dans cette campagne, on n'ait pas entendu la voix chrétienne, et il est évident que le candidat centriste, qui est étiqueté comme étant plus proche de la voie chrétienne, ne joue absolument pas son rôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les catholiques, selon le sondage de la Croix, ne votent absolument. Ils sont un peu moins favorables à François Bayrou. Par contre, les protestants aiment beaucoup François Bayrou. Hein. C'était étonnant. Là-dessus, il y a une divergence. Il y a une divergence. Parce que c'est qu'il a écrit un bouquin sur Henri IV. C'est pour ça. Qui a été un best-seller. Mais je pense que quand même, la voie chrétienne est très absente dans cette campagne. Alors, la faute à qui? Parce que quand même, on a vu des candidats, je pense notamment à Nicolas Sarkozy, dire le rôle des religions dans la société, c'est très important. Même à gauche, on est peut-être moins défavorable que par le passé. Alors, est-ce que c'est une timidité de la part des chrétiens dans leur ensemble? Est-ce que c'est aussi la laïcité qui fait que finalement, on veut bien leur donner un petit strapontin, mais pas plus? Moi, je trouve que il y a de la timidité, et je la note quand même spécialement. Je la note spécialement chez François Bayrou. Hein, je tiens à le réaffirmer. Quant à Nicolas Sarkozy, je trouve que son discours sur les religions est très intéressant parce que il est le premier homme politique français d'importance à avoir rompu cette espèce de pacte jacobin qui fait que la religion est hors du champ de la politique, ce qui me paraît absolument désastreux pour la société. Une société peut être laïque comme la nôtre avec une véritable interaction entre le champ politique et le champ religieux. La politique a besoin du christianisme, elle a besoin du christianisme pour vivre et pour proposer quelque chose aux gens. Mais Sarkozy n'est pas catholique ni orthodoxe. Si, il se dit de culture catholique. Oui, de culture. Voilà. Donc on n'est pas dans une affirmation de conviction très forte non plus. Moi, je voulais poser une dernière question à Marcel Manuel, s'il est toujours avec nous. C'est vous qui êtes responsable d'église, comment les églises protestantes, puisque vous êtes responsable d'une église protestante, comment les églises se situent dans un débat politique? Est-ce qu'elles peuvent intervenir et de quelle manière? Je crois que les églises sont assez mal à l'aise dans ce genre de débat, oui. Parce que c'est assez difficile de prendre parti pour un camp ou pour un autre. Certainement. Vous le soulignez tout à l'heure, la complexité des situations et des questions. La Fédération protestante, par exemple, a proposé à l'étude toute une série de dossiers qui vont de l'écologie à l'accueil de l'étranger, sur des questions qui nous semblent prioritaires aujourd'hui, et sur lesquelles je crois que le débat doit continuer. Il est, vous l'avez dit, très souvent caricaturé, résumé à l'extrême dans une campagne présidentielle, où on a l'impression qu'en choisissant un candidat, on est obligé de prendre un espèce de menu imposé, alors qu'on est d'accord sur tel point et pas d'accord sur un autre. D'où la difficulté d'une espèce de prise de parole magistérielle. Je crois que notre volonté, notre effort, en tout cas du côté protestant, c'est de fournir, de proposer des éléments à chacun pour qu'il se fasse sa décision. Non seulement par rapport à ses envies personnelles, mais en posant les problèmes dans leur réalité, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de migration, qu'on parle d'économie, en regardant la réalité des choses sans tabou et sans peur excessive non plus dans chacun de ces sujets. Je crois que notre rôle est là de permettre la responsabilité des gens. Merci beaucoup Marcel Manuel d'avoir été avec nous au cours de cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de l'Église réformée de France. Alors François Huguenin, il nous reste malheureusement que quelques minutes. Je voudrais quand même, pour conclure un petit peu ce débat, est-ce que finalement l'intervention des chrétiens dans le champ politique, on voit bien qu'en France il est difficile, on vient de le dire, est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'une confrontation avec une contre ou une anti-culture qui s'oppose très nettement au christianisme? Je pense et je regrette qu'il y ait une culture dominante qui s'oppose au christianisme. Il faut pas se leurrer. Mais justement, par rapport à l'intervention des chrétiens, et je parle spécialement des catholiques que je connais mieux, je crois qu'il y a deux manières d'intervenir aujourd'hui qui sont pas très bonnes. Vous avez des catholiques honteux, c'est quand même très très connu en France, qui quand même font tout pour éviter de montrer leur drapeau, d'affirmer des convictions, des valeurs, d'affirmer tout simplement qu'ils parlent en fonction d'un récit, d'une parole, qui n'est pas uniquement la leur. Moi, ça me paraît quand même très dommageable. Mais Bayrou le fait un peu, quand même. Bayrou le fait un peu. Vous êtes sévère avec Bayrou. Il dit qu'il est croyant et qu'il est chrétien. Non, lisez l'interview qu'il a donnée à Famille Chrétienne. Il dit qu'il est laïque et qu'il est chrétien. Oui, mais l'interview qu'il a donnée à Famille Chrétienne est quand même très amusant. Il dit oui, moi je suis chrétien, je suis pas trop pour les histoires de mon parentalité, etc. Mais quand je suis homme politique. Ce qui prime, c'est la République. C'est la République. Alors, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est la première attitude. Le deuxième écueil, c'est que chez certains catholiques beaucoup plus conservateurs, les questions de vie et d'éthique ont pris le pas sur tout le reste. Elles me paraissent personnellement extrêmement importantes et je suis prêt à défendre des positions qui sont celles de l'Église catholique aujourd'hui sans aucun problème. Mais en revanche, elles me paraissent avoir pris le pas sur tout le reste et il n'y a plus de réflexion globale sur la politique et sur le bien commun chez les catholiques. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment que ça change prochainement, parce que sinon la voie catholique et la voie chrétienne, eh bien en réfléchissant, notamment en réfléchissant sur une véritable proposition sur comment un discours chrétien peut-il être aujourd'hui porté à des gens dont les normes éthiques sont absolument différentes de celles du christianisme. Donc, et je crois que dans le bien commun d'une société, il y a évidemment des convictions que nous avons, mais qu'il y a aussi le fait que tous les gens puissent vivre ensemble. Et le christianisme doit prendre ça en compte. La notion de vivre ensemble, de bien commun. Merci beaucoup François Huguenin d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes l'auteur du Conservatisme impossible, c'est publié à la Table Ronde. Merci à tous nos intervenants. On se retrouve la semaine prochaine, juste avant donc le premier tour de cette élection présidentielle.